prétend depuis longtemps. Tes attributs ne sauraient masquer la réalité. Devant l'évidence de la catastrophe, ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent, ceux qui s'organisent. Dénonce ceux qui prennent acte. Et il y a ceux qui s'organisent. To make music, to make sound. Occuper le présent, carpe diem. Toute la complexité du problème saurait être balayée. Quand même. Serendipity. Follow. To understand, I need a crew, I need a team. Family. Human condition.